L'Académie nationale des sciences a remporté des succès scientifiques susceptibles de contribuer au développement de l'économie nationale et à l'amélioration de la vie du peuple. Cette année, plus de 580 réalisations scientifiques ont été adoptées dans la pratique, notamment la mise au point et l'installation de la génératrice éolienne de 250 kW, le premier du genre dans notre pays.